la mare me fait là presque tous les soirs. Je trouve ça bizarre. Et elle me dit que t'as le cafard, tu fais la vie d'un œil noir. Qu'est-ce qu'elle veut faire croire? Elle me dit qu'elle le sait, tu lui aurais parlé en vrai. Elle m'a fait douter. Comme tu viens dans mes bras. Pour moi, mais oui.